passe pas. On y croit, en bref, on vit autour de ça. Regarde venir de la rue les psaumes signés qui jarrent. Et je passe en lien les vieilles rancœurs au lendemain. Plein de questions sans réponse qu'on cherche en vain. Ouais, je cherche en vain quelqu'un à qui passer la main. Du fond de mon stud, je me dis que c'est bien. Joga te ou, ou mec pense qu'elle est ça. Ou pas pète bras, ou pas faire raquette ça. Ou pas voler et couper ça. Manger omelette ça. Fais ma comme pète fion, et puis baguette ça. Passer la pointe, yo crié, bolette ça. Levez ça, bim yo fou compte ça. Derrière tête ça. On a le monde crié, gardé on tapette ça. Ou pas fumer, prends qu'on s'y sait des cigarettes ça. Qui vous qui système la zon attend, on tempête ça. Je place pour ça, moun pas mette ou à la fête ça. À la fête ça. À la fête pendant des années pour arriver à 20 ans. Tu as persévéré, tu allais de pied de temps. Ou pas fumer crack, car on est en tête ça. Ou pas fumer crack, on s'y sait des cigarettes ça. Il m'arrive de travailler pour des monstres. Un enfoiré de première. Ça, c'est vrai. Un enfoiré, c'est ça, oui, tu as bien servi le personnage. Deuxième claque du mélange white and black. J'éclabousse comme une flaque d'amour vénère. Donc quand j'ai un sac, ta mère tume sur le dos. Tu me sens, c'est normal, c'est même si passant. Dont la mission est développer l'ouïe de l'audition. Et ça sent façon, de toute façon y'a pas de doute. Faut que ce son fracasse, c'est ça sans état d'âme. Je veux qu'ils comprennent, y'a trop de mecs à damner. Que leurs crimes sont pardonnés. Je veux en dire plus via mon slam. Mon œuvre t'invite à dépasser les limites. Ce beat crame la peau de l'homme jusqu'à l'âme. Une dernière larme en guise de lame pour la sauvegarde de mes amis. Pris entre deux feux de MC ma vie. Lâcher des blés qui crissent aussi fort que taxi de MC Cire. Et que ça se passe pour le mieux. Et que ça se passe en famille mon vieux. Je veux à vrai dire passer le flambeau. Ne pas avoir peur qu'on ait peur des mots. Je veux à vrai dire lâcher une dernière fois mes flows. Pris entre deux feux de MC ma vie. Lâcher des blés qui crissent aussi fort que taxi de MC Cire. Et que ça se passe pour le mieux. Et que ça se passe en famille mon vieux.